1 Chronique, chapitre 6. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Fils d'Amram, Aaron et Moïse, et Marie. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Éléazar engendra Phinéé. Phinéé engendra Abishua. Abishua engendra Buki. Buki engendra Uzi, Uzi engendra Zerachja, Zerachja engendra Merajot, Merajot engendra Amaria, Amaria engendra Akitub, Akitub engendra Tsadok, Tsadok engendra Akimaatz, Akimaatz engendra Azaria, Azaria engendra Jokanan, Jokanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria, Amaria engendra Akitub. Akitub engendra Tsadok, Tsadok engendra Shalom, Shalom engendra Ilkija, Ilkija engendra Azaria, et Azaria engendra Seraja, Seraja engendra Jéhotsadak, Jéhotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershom, Livni et Shimei. Fils de Kehat, Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon leur père. De Gershom, Libni, son fils, Jakat, son fils, Zima, son fils. Joar, son fils, Ido, son fils, Zerar, son fils, Jéatraï, son fils. Fils de Kehat, Aminadab, son fils, Coré, son fils, Assir, son fils, Elkana, son fils, Ebjazaph, son fils, Assir, son fils, Tachat, son fils, Uriel, son fils, Ozias, son fils, Saül, son fils. Fils d'Elkana, Amasaï et Akimot. Elkana, son fils, Elkana Tsophaï, son fils, Nakat, son fils. Eliab, son fils, Jérocam, son fils, Elkana, son fils. Et les fils de Samuel, le premier-né Vachni et Abija. Fils de Merari, Makli, Libni, son fils. Shimei, son fils, Uza, son fils. Shimea, son fils, Agija, son fils, Azaja, son fils. Voici ceux que David établit pour la direction du champ dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kehatites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérocam, fils d'Éliel, fils de Toar, fils de Tsuf, fils d'Elkana, fils de Makat, fils d'Amazaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Assir, fils d'Ebjazaph, fils de Coré, fils de Jitsehar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère Asaph, qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Berekia, fils de Shimea, fils de Michaël, fils de Baazéja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Zerar, fils d'Adaja, fils d'Ethan, fils de Zima, fils de Shimei, fils de Jakat, fils de Gershom, fils de Lévi, fils de Merari, leur frère, à la gauche. Ethan, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Maluk, fils de Hachabia, fils d'Amatsia, fils de Ilkija, fils d'Amtsi, fils de Bani, fils de Shemer, fils de Makli, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron, Éléazar, son fils, Phinéé, son fils, Abishua, son fils, Buki, son fils, Uzi, son fils, Zerajja, son fils, Merajot, son fils, Amaria, son fils, Akitub, son fils, Tsadok, son fils, Akimaatz, son fils. Voici leurs habitations, selon leurs enclos, dans les limites qui leur furent assignées. Aux fils d'Aaron de la famille des Kéatites, indiqués les premiers par le sort, on donna Hébron, dans le pays de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné. Aux fils d'Aaron, on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatir, Eshtemoa et sa banlieue, Ilen et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Achan et sa banlieue, Beth-Shemesh et sa banlieue. Et de la tribu de Benjamin, Geba et sa banlieue, Alemet et sa banlieue, Anatot et sa banlieue. Total de leurs villes, 13 villes d'après leur famille. Les autres fils de Kehath eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom, d'après leur famille, eurent 13 villes de la tribu d'Issacar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, d'après leur famille, eurent par le sort 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnèrent par le sort de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent nominativement. Et pour les autres familles des fils de Kehath, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge à Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Jokméam et sa banlieue, Beth-Horon et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gathrimon et sa banlieue. Et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Biléam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kehath. On donna aux fils de Gershom, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue. De la tribu d'Issacar, Kedesh et sa banlieue, Dobrat et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue. De la tribu d'Azer, Machal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Ukok et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue. Et de la tribu de Nephtali, Kedesh en Galilée et sa banlieue, Ammon et sa banlieue, et Kirjathaïm et sa banlieue. On donna au reste des Lévites, aux fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Rimono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue. Et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Betser au désert et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedemoth et sa banlieue, et Mephaat et sa banlieue. Et de la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Hesbon et sa banlieue, et Jaézar et sa banlieue.